musique en marge. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Olivier Lessard mettra sa langue sur la batterie 9 volts de notre émission dans le cours en passe. On apprendra des choses dans le segment éducatif, c'est un fait. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 30 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour demain. Oui, ça commence comme ça, l'émission sans Steph. L'émission, on commence à 45 parce que la porte est encore barrée du pavillon. Salut, Olivier Lessard. Bonjour. Hey, ça va bien une fois que t'es arrivé à l'heure en plus. Ah oui, oui, oui. Moi, ce matin, j'étais à l'heure. C'était mon devoir de citoyen. J'étais là. Mais dis-le que j'étais à l'heure aussi. T'étais à l'heure aussi. Mais on n'a pas pu entrer parce qu'on était en temps barré à l'extérieur de nos locaux. Ça arrive une fois de temps en temps. En tout cas, c'est le même. C'est pas notre faute. Aujourd'hui, l'émission, le seul survivant, c'est Olivier Lessard. On n'aura pas David Ferron, on n'a pas Stéphanie Paradis, donc on va faire du C'est un fait pour le reste de l'émission. Mais sans plus tarder, parce que pour vrai, on t'a assez fait attendre, hein. Voici Olivier Lessard et le courant passe. C'est pas là. C'est vrai. J'ai hâte. Le cœur de Yodley. Je reprends tes bonnes vieilles habitudes. De chanter ses intros. Ouais. C'est à peu près ce que je fais, ouais. C'est la seule chose que je fais, moi. Donc, Olivier Lessard, on t'accueille pour encore une fois le courant passe, une chronique sur les grands courants musicaux, mais tu m'as dit encore que t'allais déroger de ta règle pour la troisième fois en 8, je pense, ou 7-8. Ouais, c'est quand même pas si mal, là, mais là, je voulais pas déroger. Moi, je voulais vraiment le faire, là. Mais en fait, là, je vais te conter l'histoire, là, c'est quelque chose de gros, là. Moi, j'ai fait une première chronique il y a 2-3 semaines dans laquelle je parlais des sorties musicales oui, du printemps. C'est une bonne idée, ça. Et là, depuis ce temps-là, là, j'ai une foulée de courriels. Ah, les oui, gens capotent. À place de déroger, ça dérougit plus. Exact. Non, les étudiants de l'UQTR, mesdames et messieurs, ils sont devenus complètement fous. Marcel, à tous les jours. Marcel. Ils sautent dessus. Avec la camisole blanche, ça, c'est un Marcel, ça. Ouais. Il Marcel tout le temps. Exact. Avec la camisole rose. Il y a même un Marcel, là, qui est un Els, là, qui okay, est venu me voir. Un Marcel. Puis là, il m'a dit Olivier, man, si tu refais pas ta chronique, là, ça va mal aller. Au Reykjavik à donc, 4 heures. Ouais, là, je succombe à ces menaces-là. Et je vous fais une deuxième chronique sortie musicale printanière. Merci, merci. C'est notre public en studio. Ouais. Il est faible à 7h30, 45. Ouais. Donc, on parle de nouveautés dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Les domaines que toi, t'apprécies particulièrement. Moi, le fonctionnement, là, c'est que je regarde une liste là, de tout ce qui sort okay, dans les deux prochains mois. Et en fait, là, je me dis, qu'est-ce que ça me tente de parler de? Oui. J'essaie de parler de certaines choses que je connais moins, mm-hmm, en découverte, de certaines choses que je connais plus, okay, parce que c'est le fun de parler de trucs qu'on connaît. Ben, c'est sûr. Ce que je fais toujours, je parle toujours de trucs que je connais. Tu parles pas à travers ton chapeau, rarement. J'ai pas de chapeau. Tu portes pas ça. Non, parce que ça fit pas dans mes écouteurs, c'est trop serré. T'as raison. On pourrait peut-être changer de chanson. Ah, t'as raison. Hey, tu me fais ça chaque semaine, puis je fais comme t'as raison, puis je l'oublie tout le temps. Ouais, mais là, je l'ai dit en chuchotant, fait que c'est ça, ça a pas paru. Ben non, ça paraît pas dans ce temps-là. C'était tellement subtil, là, tu sais. Ah, wow, hein, t'as raison. Ah, là, on est prêt pour une chronique. Parce que là, moi, je délirais, mais c'est parce que j'étais pas encore avec ma chanson de chronique. T'as pas ton ambiance, moi. Exactement. L'animateur suit pas, là, cette émission-là. Palaille. Hey boy. Donc, trois albums aujourd'hui que je vous présente. Et ça commence par un gars qui s'appelle Jaco Gardner. Un jardinier, ça. Ouais, c'est un jardinier. Ouais. Lui, c'est correct, là, si vous le connaissez pas. C'est un petit peu moins connu. C'est son deuxième album, seulement. Jaco Garner, c'est un chanteur multi-instrumentiste, auteur, compositeur, interprète. Il joue de tous les instruments sur ses albums. En spectacle, je présume que des fois, il y a des musiciens, parce que c'est un peu... C'est un peu compliqué à faire tout en même temps. C'est un peu complexe. Ouais. Il vient de Hoorn. C'est aux Pays-Bas. C'est tout près d'Amsterdam. 40 minutes d'Amsterdam. Oh wow. Ça, moi, ça me chicote un peu. Je me suis toujours dit ça. Tu sais, quand tu nais à Amsterdam, ouais. À quel point tu peux être une personne respectable? Tu peux drogue, vouloir, là. Ben oui, mais c'est ça. La fumée est tout le temps présente dans l'air. C'est comme la Kruger, mais... Ben ouais, là, c'est parce que moi, quand j'étais au secondaire, là, j'allais boire de la grosse bière à Saint-Ephrem-de-Beauce. Ouais. Mais lui, il allait boire de la bière à Amsterdam. Ouais. T'sais. Cas, hamster, damn! T'sais. Un maudit hamster, là. Hamster, damn! Ah, y'a, y'a! Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est imagine. Bon. Merci. À date, c'est mon préféré. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. et donc... Ben, c'est un gars qui est quand même bizarre, là, c'est ça que je disais. Peut-être pas naître là, puis faire du country. Fait que c'est ça. C'est bien, oui. Quelle phrase incomplète. Et son premier album, ben, il l'a sorti en 2013. Ça a été quand même un certain buzz dans le milieu musical. Il y a certains critiques qui ont trouvé ça le fun. Ouais. Mais ça a quand même plus ou moins pogné, là. Son premier album ça s'appelait Cabinet of Curiosities, mm-hmm. Le cabinet des curiosités. Ouais. Et c'était curieux, c'était curieux quand même, comme musique quand même. Là, j'y arrive, là, j'en parle du style. On pourrait comparer ça au pop baroque, au rock psychédélique des années 60. Notamment l'époque où les Beatles prenaient des substances. Pensez à leur album de Magical Mystery Tour. Bien où, l'époque Syd Barrett qui revient aussi de Pink Floyd. Bien sûr, là, tous les bands qui commençaient par The. The Yardbirds, The Zombies, The Animals, The Doors. À continuer. Ben oui, il y en a eu plein dans les années 60 et ça donnait là, qu'ils faisaient toute. C'est ça, de la musique pop psychédélique. Pas toute, en fait, parce que là, je vais me faire donner des contre-exemples, là, mais. C'est ça. aujourd'hui, faut dire que il n'est pas le premier là, à reprendre ce style musical-là. Il y a quand même plusieurs bandes émergentes, plus indépendantes, qui ont fait des albums qui sonnaient un peu, qui avaient ce son 60s là. On n'a qu'à penser à Tame Impala qui sonne, mm-hmm. Qui sonne beaucoup comme ce que je vais vous montrer. Foxygen aussi et un paquet d'autres. Ce qui distingue néanmoins Jaco Garner, premièrement, il y a son attitude. Il y a beaucoup d'attitude, vous allez le voir. Puis les vidéos et visuellement, vraiment le fun. Des très belles mélodies, il y a beaucoup d'ambiance. Et c'est surtout très, très bien réalisé. Parce qu'il faut dire qu'en plus de jouer tous les instruments, c'est lui qui réalise ses propres albums dans son studio. Et beaucoup de textures. Puis on voit que c'est pas. Ce n'est pas qu'un feu de paille qui copie d'autres bandes qui sonnent un peu comme ça. Là. Non. Détrompez-vous. Des fois, là, je parle du premier album parce que le nouveau, on l'a pas beaucoup entendu, oui. Mais le premier album, il y a des bouts très mélodiques, mélodies super accrocheuses, des refrains qui viennent plusieurs fois dans la même chanson. Et là, à un moment donné, on tombe dans des espèces d'ambiance apocalyptique là, avec beaucoup de sons qu'on serait pas capable de dire de quel instrument que ça vient. le nouvel album, ça s'appelle Hypnophobia. Ça sort le 5 mai. Et je vais vous faire écouter un extrait. Hypnophobia, on le rappelle, la définition, c'est la peur du sommeil. Ah. Hypnophobia. Ah, ouais. Donc, ça donne un avant-goût, je pense. Ouais, ça sera pas... Summer scene. J'aime ça. C'est ouais. Plein de choses en même temps, c'est cool. Ouais. Ouais. Non, il y a de l'instrumentation, super le fun et il a doublé sa voix avec. On voit qu'il y a un effet dans la voix, clairement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Un effet, il a peut-être été fouillé là, dans les effets de voix de Tom York, là, de Kiedé, je trouve. Ok. Cool. Je te suggère à la fin de la chronique, on écoutera la chanson complète. Je sais que d'habitude, on en fait jouer juste une au complet, mais on a le temps en masse aujourd'hui, donc on y reviendra. Alors, on va te laisser passer à ton deuxième sortie du printemps. Fafa! Fafa, fafa, fafa. C'est le band qui s'appelle The Tallest Man on Earth. Un album que moi, j'attendais beaucoup. Ça va s'appeler Dark Bird is Home. Ça sort le 12 mai. D'ici le 12 mai, hein, là, je sais que c'est dans un petit bout. C'est là, loin, mais loin. Vous avez juste le temps de vous claquer tous les albums. T'sais. comme ça, vous allez arriver fin prêt au 12 mai pour comparer avec ce qui s'est fait à l'époque et pour devenir plus épanoui dans la vie parce que c'est de la musique qui rend heureux. The Tallest Man on Earth, c'est un gars en fait qui s'appelle Christian Mattsson avec beaucoup trop de tréma parce que c'est un Norvégien. Ben oui, faut que se présente. Ouais, fait que là, je vous appellerai pas le nom, là, mais il y a beaucoup de double lettres puis de tréma. Donc, un Norvégien qui en est à son quatrième album, le premier en 2008, qui s'appelait A Shallow Grave et le plus récent c'était en 2012, qui s'appelle There's No Living Now. Ce gars-là a vibé un peu peut-être sur la popularité des bandes folk des dernières années. On n'a qu'a pensé à Mumford & Sons qui a un peu enclenché le mouvement. Mais se distingue quand même. A pas répété ce que Mumford faisait. De toute façon, il était déjà là dans les buts de Mumford. Je suis en train des. En tout cas. Et ce qui le distingue, ben justement, il y a un songwriting qui est vraiment le fun. J'ai dit en anglais, je sais pas pourquoi, une écriture de chanson. Ouais, ça. Une voix qui est particulière. Je vais vous le dire tout de suite, là, ça ressemble beaucoup à la voix de Dylan quand il était jeune. Okay. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'aurait dit, mais c'est quand même une superbe belle voix. Et un jeu de git qui est vraiment intéressant, qui s'inspire, selon ses dires, du folk, du début du folk américain de Woody Guthrie, entre autres, Mick Drake un peu plus tard. Donc, beaucoup d'accords en open tuning. Là, son nouvel album s'est enregistré dans plusieurs pays. Et là, j'aurais aimé ça vous le décrire, le nouvel album, mais il est vraiment dur à saisir. Parce que là, il y a eu un communiqué de presse qui est sorti de lui, puis il a fait une entrevue aussi. Puis lui-même, là, il décrit son album comme plus personnel, plus direct. Fait qu'on s'attendrait comme à un album seul, guitare-voix. Mm-hmm. Et pourtant, là, il a sorti un extrait et c'est pas du tout ça. C'est absolument pas du tout ça. Ça s'appelle Sagress, puis il y a vraiment grosse production, gros keyboard en arrière de ça. Je vous laisse entendre. ok, on voit la ressemblance. Dylan, c'est sûr que c'est ce qu'il voulait faire, j'imagine. Ouais. Si sa voix, ça doit pas être naturel comme ton, il doit pousser pour ressembler à Dylan, ou c'est vrai? Ouais, j'imagine que c'est pas poussé nécessairement. Ouais. Moi, je crois pas beaucoup là, qu'un artiste se dise hey, moi, je sonne un peu comme Dylan, ben je vais leur pousser encore plus pour être sûr que tout le monde me le dise. Ouais, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Mais normalement, on veut avoir notre. Notre propre son. Ouais. Mais là, c'est. Tu sais, là, il y a la voix qui sonne Dylan, mais en même temps, là, musicalement, on n'est plus là pendant tout. Non, non, non. Il y a de l'effet aussi sur la voix, même. Comme une ambiance, ouais, on dirait, ouais. Rajouter un peu. Ouais. Mais vous irez écouter les autres albums, vous allez voir, c'est beaucoup plus folk, beaucoup moins. Ben, je dirais pas cheesy. Je dirais seulement qu'il y a beaucoup de claviers. Ok. Ouais. T'es pas un fan de clavier tant que ça? Ah, ben peut-être que ça paraît, là, quand je parle des bandes, je trouve tout le temps qu'il y a trop de claviers. Ouais, ouais. Mais non, je suis capable de l'accepter quand même. Je l'accepte bien, puis dans ce cas-là, ça sonne. J'ai hâte. Et donc, le troisième album que je vous parle, là, je me suis fait un cadeau. Ce sera pas une découverte pour personne. C'est un nouvel album de Patrick Watson. Yes, ça c'est bon. Ça, on connaît ça déjà. C'est bon. Ça joue assez fou déjà. Donc là, c'est un nouvel album qui sort. Exact. On l'attendait depuis combien de temps, cet album-là? Ça fait, il me semble, plusieurs années qu'il n'est pas sorti de... Moi, depuis que je suis né. Depuis que t'es né. Ouais, ça fait 21 ans que... Malade. Que j'y pense. Je le crois pas tellement, c'est fou. T'sais. Ouais, c'est fou. Ouais. Et ça va s'appeler Love Songs for Robots. Malade. Patrick Watson, il explique, là, d'une façon très Patrick Watson, avec... Des belles phrases, mais qui tournent autour de... Je veux pas dire grand-chose. Je veux pas rien dire, finalement, ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que Patrick Watson, quand il est en entrevue, il est beaucoup dans la rêverie. Et des fois, il explique ses chansons, puis c'est jamais très concret, mais on l'aime pour ça, tu sais. Ouais. Et là, ça laisse quand même un certain mystère sur son album. Love Songs for Robots, en fait, il explique simplement que l'homme est émotif et que le robot ne peut pas l'imiter. Non! Donc, il va y avoir une charge émotive dans cet album-là. ça succède l'excellent, et je pèse mes mots, Adventures in Your Own Backyard. Patrick Watson, d'album en album, il a toujours upgradé jusqu'à date. Moi, j'aimais beaucoup Wooden Arms. Je me disais, c'est impossible de faire mieux que ça. Okay. Et non, Adventures in Your Own Backyard, c'est jusqu'à présent mon préféré album. Avril 2012, donc ça fait exactement 3 ans qu'il n'y a pas sorti d'album. Il semblait que c'était long aussi. Ouais. Il a fait beaucoup de shows entre-temps. Ouais. Ça compte pas. Ouais, c'est ça. Non, mais il y en a fait... moi, j'y vais avec l'Orchestre symphonique de Québec. Et j'ai vu beaucoup de bandes... avec une orchestre. Puis Patrick Watson, c'était incroyable. Ouais. J'ai vu Louis-Jean Cormier aussi avec l'OSQ, puis c'était pas si malade. OK, vous savez ça. Ah. D'ailleurs, demande-moi donc s'il est bon, le nouvel album de Louis-Jean Cormier. C'est bon, le nouvel album de Louis-Jean Cormier, je pense à ça. Il est bon. Ouais, correct. Ouais, correct. Mais t'es pas le premier à me dire ça, que c'est juste correct. Ben, je continue d'écouter. Ouais, OK. Mais Tu t'attendais à plus que ça. Ouais, j'avais pu faire une chronique au complet, mais j'ai décidé, à un moment donné, je vais dire... Je vais dire ma critique, qui est... Ouais, ouais, c'est ça, c'est juste... Ouais, mais c'est correct. Ouais. Il est bon, mais tu sais, il se réinvente pas, mettons. Revenons à Patrick Watson, donc... S'il te plaît. ça joue encore dans la rêverie, c'est très, très planant. On rajoute encore des claviers, mais dans ce cas-ci, j'aime ça. Ah ouais, OK. Ça sonne M83, je sais pas, M83, ouais, je sais pas quand est-ce qu'il... comment qu'il faut le dire. Et donc, la nouvelle chanson qui est sortie, ça s'appelle Love Songs for Robots. Pièce-titre. Pièce-titre. Ouais. Et, ben, c'est ça. On va la faire jouer, puis je vais vous dire petit truc avant de partir. J'écoute un petit peu le début. Commence lentement. Un robot, faut que tu huiles ça avant de starter. Ah ouais. Thank you. D'écouter cet extrait-là, parce que là, vous allez l'affiner, vous allez vous dire « Crème, ça c'est bon, mais... » Pourquoi tu parles par-dessus? Mais, ben, pour finir ma chronique. Oui, c'est ça. mais c'est pas sorti encore, mais il y a une chanson, je sais pas si tu l'as entendu, pour la 5e saison de Walking Dead. Non, j'ai pas entendu. T'iras voir ça. Ah ouais, j'aurais cherché ça, c'est sûr. Ça s'appelle « Turn into the noise ». OK. C'est vraiment très bon. Donc, si vous l'album sort, que vous l'appréciez, j'ai comme pas le choix d'avoir une voix mielleuse pendant qu'il joue ça. Il va être à Chiaga, donc 31 juillet. Cool! Donc, peut-être qu'on se verra là. Peut-être. Et d'ici là, ben moi, je vous quitte. Et sur cette belle musique, je vais aller manger un costaud. Bon, félicitations pour ta chronique, puis... En plus, t'es chanceux d'avoir un costaud. J'ai pas ça. Félicitations pour votre beau programme. C'est ça. Puis on se retrouve la semaine prochaine, OK? Exact. Lundi à 7h30. Ce soir, il y a une impro. C'est vrai, 20h, gratuit. 20h. Et lundi. C'est la demi-finale, en plus. Première partie. Là, on arrête de parler pour écouter la fin de Patrick Watson. C'est bon. OK, bye, merci. Bye. C'était Patrick Watson et Love Songs for Robots, pièce-titre de son nouvel album, dans la chronique Le Courant passe avec Olivier Lessard, et on le retrouve lundi prochain à 7h30. Pour l'instant, on prend une pause au retour. Je l'ai dit la prochaine demi-heure encore à Olivier Lessard en faisant jouer les chansons complètes qu'il nous a fait jouer en chronique tantôt, OK? Je me garde. C'était Assemblage Rocky jusqu'à 9h30. Food Rock. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Requis, on se l'a dit 30 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis va être de retour demain. Tantôt, on était avec Olivier Lessard dans sa chronique Le Courant passe et on a fait jouer des extraits de ses chansons. Puis je me suis dit, ben, tu sais, je suis seul aujourd'hui, puis les chroniques, j'en ai plein, mais je vais faire tantôt. J'ai le temps encore de prendre mon temps. Hein, il reste quoi? Bonne heure et 20 à ça. Donc, je me suis dit, on va écouter les pièces au complet. Mais avant de faire ça, il nous a parlé tantôt, il nous a glissé un petit mot sur Patrick Watson, qui était sur la... en fait, qui avait une chanson dans la saison 5 de The Walking Dead. Allons entendre la pièce qui s'appelle Turn Into The Noise. Tout de suite, c'est Patrick Watson sur C'est Fou, 89 FM. La pièce Turn Into the Noise par Patrick Watson. C'est en vedette dans la bande-annonce de la cinquième saison de Walking Dead, Surviving Together. Toujours dans le courant passe, édition bonus dans Assemblage Requis, parce que, Colin, c'est comme ça, j'ai envie d'écouter les pièces que Olivier Lessard nous a proposées dans sa chronique tantôt, entre 7h30 et 8h environ. Donc, il nous en reste deux qu'on a entendu juste en extrait tout à l'heure, au tout début de sa chronique. Donc, on retourne à ça. Il y avait The Tallest Man on Earth avec Sigris. Mais avant ça, on va débuter avec Jacko Gardner. Voici Find Yourself dans le courant passe. Summer scene. Sugress, The Tallest Man on Earth, précédé de Jaco Gardner avec Find Yourself, les deux pièces que nous avons présentées, entre autres, tout à l'heure, Olivier Lessard dans sa chronique. Le courant passe. Oui, j'ai passé 20 minutes de plus que nécessaire sur cette chronique-là, mais Colin, ça me tentait. On avait le temps aujourd'hui des écouteaux complets, donc voilà. Pour cette chronique-là, le courant passe, les lundis à 7h30. On s'est rendu jusqu'à la prochaine portion de l'émission. Dans quelques instants, ce sera C'est un fait pour le reste. L'assemblage requis jusqu'à 9h30. Restez avec nous. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 30 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour demain. Oui, il nous reste encore une heure ensemble, mais une heure remplie pas mal, c'est un fait. Je pense que ça va être pas mal ça qu'on va faire jusqu'à la fin de l'émission. Ça, il y a un petit peu de musique par-ci, par-là pour agrémenter le tout. Quoi qu'on a joué tellement de musique dans la précédente demi-heure que je vais essayer de me retenir pour la prochaine. Donc, allons-y tout de suite avec une première partie de C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les sources sur assemblagerequis.com. Commençons avec la Chine, qui a une grande ville fantôme, Tiandusheng, qui ressemble à une réplique de Paris. Avec une copie de la tour Eiffel. Maintenant, il y a seulement 2000 personnes qui vivent là-bas. Vous pouvez voir les photos sur assemblagerequis.com. Donc, c'est la ville de Tiandusheng. C'est ça, c'est dans la province de Zhejiang. C'est une réplique de 354 pieds de haut de la tour Eiffel. Le développement sur cette réplique de Paris en Chine a débuté en 2007, mais les médias locaux disent que c'est maintenant rendu une ville fantôme. Les tournesols peuvent être utilisés pour nettoyer les déchets radioactifs. En fait, c'est capable, les tournesols, d'extraire les polluants, dont les contaminants de métal radioactif. Même si leur... Ben, dans le fond, c'est ça passe par leurs racines. Et puis, c'est les emmagasines dans les tiges et dans les feuilles. Ce qui fait que c'est donc le symbole international pour le désarmement nucléaire. C'est cool quand même. Et puis, il y a le temple bouddhiste Joenji, qui distribue les tournesols et leurs graines pour être plantées partout à Fukushima après le désastre nucléaire de 2011. Et puis maintenant, il y a des tournesols qui poussent entre les bâtisses dans les cours arrière, près des usines nucléaires, de l'usine nucléaire, pardon, et partout où elles peuvent entrer. Il y a au moins 8 millions de tournesols qui ont été distribués jusqu'à maintenant. ABC News, le réseau de télé américain, a interrompu sa programmation régulière pour annoncer le retour de Coca-Cola Classic en 1985. Vous vous rappelez peut-être de New Coke, l'échec total pour ceux qui sont amateurs de fast-food et trucs qui sont pas bons pour la santé. Vous connaissez probablement le New Coke, sinon allez voir la page Wikipédia, c'est assez rempli d'informations. Mais quand c'est revenu, le Coke Classic, d'ailleurs qui s'appelle encore Coca-Cola Classic, ils ont interrompu leur programmation régulière. Un homme australien à Londres qui était désespéré, il voulait pas manquer la fête, l'anniversaire de sa fille à la maison. Il s'est posté jusqu'en Australie dans une grosse crête, une boîte de bois qui a aidé à construire. Il a réussi à survivre pendant le voyage de 3 jours. Il est devenu une sensation dans les médias en 1964. Un homme australien qui était à Londres. En essayant d'attraper le tueur en série André Chikatilo, la police a réussi à résoudre un crime, en fait plus de 1000 crimes qui n'étaient pas reliés, dont 95 meurtres et 245 viols, en essayant de trouver André Chikatilo. Disney a sorti un film pendant la Deuxième Guerre mondiale nommé Der Führer's Face, qui montrait Donald Duck en train de passer un mauvais moment dans le régime nazi. C'est le seul film de Donald Duck à avoir gagné un Oscar. Der Führer's Face a gagné un Oscar lors de la 15e cérémonie et c'est le seul film de Donald Duck à avoir reçu cet honneur. Un avocat est parti à la recherche en fait d'une femme de 90 ans qui avait accepté de lui donner à lui, son appartement à elle, si il lui payait 500 $ par mois pour le reste de sa vie à elle. D'accord? Donc, elle est devenue la personne la plus vieille à avoir vécu jusqu'à ce moment-là. Elle a vécu pendant 32 ans encore. Elle avait 90 ans. Elle a survécu pendant 32 ans encore et a même vécu plus longtemps que l'avocat qui, à ce moment-là, était rendu à avoir payé 180 000 $, qui était deux fois la valeur de l'appartement. Donc, je pense que la madame était... Calmin, qui a fumé des cigarettes entre l'âge de 21 ans en 1896... jusqu'à 117 ans en 1992 avant de décider d'arrêter. Elle mangeait aussi presque 1 kg de chocolat par semaine. C'est elle qui a la durée de vie la plus longue confirmée jusqu'à maintenant. Elle a vécu jusqu'à 122 ans et 164 jours. Hein? Félicitations à Madame Calmint, Jeanne Jane Calmint. Eh ben, elle a l'air tellement heureuse sur sa photo. Il y a une condition où tu penses que t'entends de gros bang quand tu t'endors, alors qu'il n'y a pas de boom ou de bang qui existe. Le nom, c'est le Exploding Head Syndrome, le syndrome de la tête qui explose. C'est rare et très peu documenté, donc c'est une parasomnie où les gens vivent, comme je disais, un gros bang dans leur tête, similaire à une bombe qui explose, à un fusil en train de tirer, à des cymbales ou d'autres trucs comme ça qui sont très très forts comme son. Et contrairement au nom, il n'y a pas d'élément de douleur, le nom qui est Exploding Head Syndrome, il n'y a pas d'élément de douleur, il n'y a pas aucun trait physique associé à ça. On peut aussi accompagner ça dans sa tête de flashs de lumière, si on veut. Aussi un manque de respiration, mais c'est surtout probablement causé par le battement de cœur qui est augmenté après ça, après avoir vécu ça, parce que là, t'es stressé après, donc le reste vient après. Voilà. Donc c'est le Exploding Head Syndrome. 29 jours après que le Titanic ait coulé, hein, il y a eu un film de fait au sujet du Titanic. Oui, avec une actrice qui était vraiment sur le Titanic et qui avait survécu. On parle de même pas un mois, 29 jours plus tard. À la fin, elle était tellement traumatisée d'avoir revécu l'expérience qu'elle a eu un problème mental qui lui est arrivé. Et puis, elle n'a jamais rejoué dans un autre film. Le film qui s'appelle Saved from the Titanic, c'est un film silencieux, donc sans voix, de 1912. Un court-métrage mettant en vedette Dorothy Gibson, l'actrice américaine, oui, qui a survécu au Titanic, RMS Titanic, le 15 avril 1912. Elle était parmi les 28 personnes environ à bord du premier bateau de sauvetage qui a été lancé du Titanic et qui a sauvé et qui était sauvé après ça 5h30 après avoir quitté le bateau. C'est le premier film à avoir été fait au sujet du désastre. Sa première aux États-Unis était 29 jours seulement après... que le bateau est coulé. C'est sorti à l'international, ce film-là, ça a attiré de larges publics et des critiques positives. Certains disaient, par contre, le critiquer, disant que ça commercialisait une tragédie si peu de temps après l'événement. C'est clair, c'est too soon, too soon. Maintenant, on parle de ça comme un film oublié. Les dernières impressions de ce film ont été détruites dans un feu, dans un studio, en mars 1914, seulement 2 ans après. On sait qu'il y a quelques photos qui survivent de ce film-là. C'est aussi le dernier film de Dorothy Gibson parce qu'elle a souffert, comme on dit, d'un petit trouble mental après avoir complété ça, après avoir revécu la tragédie. Un Labrador Retriever nommé Mackettle a été redonné à une... comment t'appelles ça? À une place où tu gardes les chiens, là. Un shelter, là, en tout cas une place où tu vas porter des chiens, vous savez, Stéphanie m'aurait corrigé par ses propriétaires, donc les propriétaires l'ont ramené là-bas. Ensuite, la chienne s'est échappée pour retourner à la maison à ses précédents propriétaires qui ne voulaient pas la ravoir. C'est une chienne vieille qu'on dit, donc un Labrador Retriever. C'est triste, hein? C'est les précédents propriétaires de Mackettle qui l'appelaient eux Lady sont morts en 2012, la laissant donc sans abri. Quand elle est arrivée, elle était adoptée par la famille, par le Chautauqua County Animal Shelter dans le Kansas, mais ensuite elle a été redonnée, voilà, parce qu'elle ne s'entendait pas avec leur chien qui les avait déjà. Ensuite, elle s'est échappée à sa troisième maison, elle est revenue, elle a fait presque 30 000 de marche, donc 48,3 km jusqu'à sa famille, la famille qui avait le petit chien avec lequel elle s'entendait pas, voilà, donc elle s'est fait renvoyer après ça. Parce que les propriétaires ne voulaient plus d'elle. Triste histoire. Elle a été adoptée par Ellen Rosberg, qui est aussi connue sous le nom de l'auteur Ellen Rich. Elle va passer le reste de sa vie dans une maison de 11 000 pieds carrés ou 1 021 mètres carrés, sans acre. Voilà. avec une ménagerie d'animaux, de compagnons animaliers. Elle va être aimée maintenant. Donc, on la voit sur son jet privé qui l'amenait vers sa nouvelle maison avec l'auteur Alan Rich. Voilà, au moins une histoire qui finit bien. Il y a un animal, un hôpital pour animaux, voilà, pour animaux en peluche, qui nettoie et répare les animaux en peluche et les poupées. Les poupées, les jouets sont appelés des patients. Ils sont envoyés dans une boîte en forme d'ambulance et ramenés à la maison avec un petit bracelet d'hôpital avec leur nom écrit dessus. Donc, vous pouvez voir le avant-après de plusieurs animaux de peluche sur assemblagerequis.com. On voit le museau détaché d'un chien, on voit les yeux arrachés d'un autre petit chien. Donc, ils remplacent les pièces, pour qu'ils reviennent exactement comme ils étaient quand on les a achetés. C'est le Stuffed Hospital. Le Stuffed Animal Hospital, voilà. Un enfant de 4 ans russe a quitté ses parents abusifs pour aller vivre avec des chiens sauvages. Avant sa capture, c'est un garçon en passant, avant sa capture par la police, il est devenu chef du groupe de chiens sauvages et il s'est échappé des autorités 3 fois. Plus tard, il a étudié à l'école militaire et a servi dans l'armée russe. Un garçon de 4 ans. À l'époque. Leonard Nimoy, vous savez, décédé récemment, c'était quoi ce mois-ci, je pense en mars, Leonard Nimoy qui s'est battu pour l'équité salariale pour sa collègue Nichelle Nichols dans Star Trek dans les années 60. Il s'est battu pour qu'elle ait le même salaire que les hommes. Kerli Takex, un tireur hongrois droitier, s'est vraiment blessé à sa main droite. Voilà, la main qu'il utilise pour tirer. Dans une explosion de grenades, il s'est réentraîné lui-même avec sa main gauche et il a fini par gagner deux médailles olympiques d'or, 2 médailles d'or, 10 ans plus tard. Donc, Kerli Takex, qui a complètement réappris à tirer aux Olympiques. Il y a certaines langues qui n'ont pas de mots pour la gauche et la droite. Résultat, à la place de mettre une séquence d'images en ordre, en les montrant, mettons, quelque chose qui vieillirait, mettons, de gauche à droite, comme nous, on le ferait, à la place, ils vont les placer de l'est à l'ouest. Peu importe de quel côté ils font face, ils vont tout le temps le mettre de l'est à l'ouest. C'est quand même fascinant, n'est-ce pas? Je trouve ça vraiment bien. Will Smith, qui ne dit pas de jurons, il ne sacre pas dans ses raps parce que sa grand-mère lui a déjà été fâchée contre lui à cause de ça. Vous vous rappelez dans la chanson thème de Fresh Prince of Bel-Air, quand sa grand-mère lui dit que tu vas aller vivre avec avec ton oncle et ta tante à Bel-Air. Mais c'est parce qu'elle était sévère, sa grand-mère, donc c'est pour ça qu'il ne sacre pas dans ses chansons. L'acteur et le rapper Will Smith, qui dit que sa grand-mère a déjà chialé contre lui parce qu'il sacrait quand il commençait à écrire ses paroles de chansons, et son influence était tellement importante pour Will Smith que ça a fait de lui un homme qui n'utilise pas de profanité. Voilà. Quand même. Sa note à la grand-mère, parce qu'il avait trouvé des paroles remplies de jurons, c'était, et je cite, « Cher Willard », son nom complet, « Les gens intelligents n'ont pas besoin d'utiliser ces mots-là pour s'exprimer. » Eh ben, sage! Viens, madame. Du brillant. Les glitter, le brillant, c'est tellement unique qu'on peut utiliser ça comme évidence de criminalistique, le forensic, vous savez, la criminalistique à la CSI et les experts. Si du glitter est retrouvé sur la scène d'un crime et sur le suspect, le suspect ne le verra pas en tant que tel sur ses vêtements nécessairement. Donc on peut quand même, si on retrouve avec la criminalistique, trouver du brillant sur ses vêtements, on peut matcher ça avec ce qu'il y a eu sur la scène du crime. Étant donné ses caractéristiques uniques, oui, le glitter est un outil criminalistique assez parfait parce qu'il y a des dizaines de milliers de différentes compagnies qui font du glitter, des petits brillants. Et puis les particules peuvent être donc utilisées comme évidence. Il y a on parle de 3 exemples, entre autres, de glitter dans les produits de cosmétiques, le glitter dans le bricolage et le glitter utilisé dans les décorations et les vêtements. Il y a un cas qui est le Illinois Kidnapping and Sexual Assault. Donc, un homme avait pris... Ben, pas besoin des détails en tant que tel, ça a l'air assez morbide, tout ça. Mais donc, il y a quand même des exemples dans la vraie vie de ça qui a été utilisé par la police, par les enquêteurs. Les loups ont une culture musicale qui change dépendant de leur localisation géographique. Même si on ne les entend pas avec nos oreilles, les cris des loups européens sont beaucoup plus mélodieux que ceux des loups nord-américains qui, eux, crient plus fort et mettent plus d'accent sur la première syllabe. La première syllabe de leur cri de loup-garou. Eh ben. Le chiffre 4 n'est pas un chiffre chanceux, en fait c'est un chiffre malchanceux en Chine parce que c'est un homophone ou presque, en fait on dit presque un homophone, du mot mort, death, pinyin si. dans une étude de 5 ans de valeur immobilière, de vente de valeur immobilière, finalement de maison, à Vancouver, hein, dans le grand Vancouver. Hein. Les chercheurs nous apprennent que les maisons dans les quartiers chinois, avec une adresse qui contenait un 4, se vendaient en moyenne pour 8 000 $ de moins que, que les autres adresses qui n'avaient pas de 4. Eh bien, à Vancouver, au Canada. La plupart des peintures dans les caves, les vieilles peintures dans les caves, étaient probablement faites par des femmes. Comment le savoir? Ben, c'est qu'en moyenne, les mains de femmes ont un doigt annulaire, c'est ça? Annulaire? Qui est plus court que leur index, alors que chez les hommes, c'est le contraire. L'annulaire est plus long que l'index. Et cette différence-là était encore plus prononcée chez les gens à l'époque où on faisait des peintures dans les caves. Donc, si on applique cette règle-là aux empreintes de mains laissées sur les peintures dans les caves, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que presque 3/4 de ces peintures-là étaient dessinées par des femmes. Intéressant. Très intéressant. Voilà pour une première partie de C'est un fait. On écoute Amor Blitz avec Kilimanjaro et on revient avec une deuxième partie. À son après. C'est Kilimanjaro, assemblage requis, toujours dans C'est un fait. On retourne à notre galerie de faits. Saviez-vous que les premiers téléphones n'avaient pas de sonnerie? Hein? Non. Et on n'en avait pas à raccrocher non plus, pas de crochet pour raccrocher. Bref, les gens qui appelaient pour avoir l'attention de ceux qu'ils appelaient devaient crier fort, souvent le mot « Ahoy » dans le récepteur jusqu'à ce que quelqu'un de l'autre côté remarque que quelqu'un criait dans le téléphone. Une cave, on retourne dans les caves, les cavernes en France, qui avait l'empreinte d'un garçon de 8 à 10 ans dans la boîte, laissée il y a 26 000 ans. à côté de la patte d'une empreinte de patte d'un animal, soit un loup ou un gros chien. C'est la première évidence d'une relation entre un humain et un canin qui a été trouvée jusqu'à maintenant, il y a 26 000 ans. Il y a une éponge en dessous de l'Antarctique que les scientifiques croient qu'elle a 10 000 ans environ, ce qui fait que ce serait la créature organique la plus vieille qui existe, connue par l'homme. Donc une éponge qui aurait plus de 10 000 ans. Ensuite, résultat d'une blague en ligne, une blague qui date d'il y a 20 ans, une blague disant que la ville allemande de Bielefeld n'existait pas vraiment. La ville a sorti un communiqué de presse disant « Il y a vraiment un Bielefeld. » Bielefeld, pardon. Peut-être Bielefeld. Par contre, ce communiqué de presse est sorti un 1er avril. Donc, ça a ajouté encore plus à la conspiration disant que ça n'existait pas. Donc, le Bielefeld Conspiracy, c'est une satire des théories de complot qui a ses origines en 1994. Dans le Usenet allemand, le Usenet c'est un genre de forum de discussion en ligne qui disait que la ville de Bielefeld n'existait pas vraiment, mais c'était une illusion propagée par différentes forces. À l'origine, c'était un phénomène sur Internet. La conspiration, le complot a depuis représenté le marketing de la ville. Ça fait référence aussi à la chancelière Angela Merkel. En 1999, 5 ans après le début du mythe, le conseil de ville a sorti un communiqué de presse nommé Bielefeld gibt es doch. J'ai aucune idée comment prononcer ça. Et Bielefeld existe vraiment. Par contre, la date d'application, comme on l'a dit, c'était le 1er avril 1999. L'année, c'était ce que je voulais dire. Et donc, ça a été peut-être mal choisi. En même temps, ça ajoute au charme de la ville. James Earl Jones, l'acteur qui fait la voix de Darth Vader dans les films de Star Wars, a déjà utilisé le nom Darth, D-A-R-T-H, lorsqu'il voyageait de pays en pays. Il parlait avec la voix de son personnage à des chauffeurs de camions sur Citizens, sur les radios CB Citizens. Apparemment, les conducteurs capotaient vraiment, donc il a arrêté de le faire. J'imagine que quand t'as cette voix-là de James Earl Jones, qui est aussi l'annonceur de CNN, c'est celui qui dit « This is CNN quand t'as cette voix-là, il me semble que t'as pas la voix que j'ai là, clairement, mais la voix que lui a. T'as envie de faire des petits tours de fois de temps en temps, c'est CB, là. C'est pas très surprenant. Le mathématicien célèbre Paul Erdos. Paul Erdos, E-R-D-O-S, là, pas A-R-point-D-O-S. C'est déjà fait lancer un défi d'arrêter de prendre des amphétamines pendant un mois par un ami qui se souciait de lui. Il a réussi, mais c'est plein. Tu m'as montré que je ne suis pas un accro, mais je n'ai fait aucun travail. Je me levais le matin et je regardais mon morceau de papier blanc, vide, avec rien écrit. J'avais aucune idée. Comme une personne ordinaire, tu as reculé les mathématiques au complet d'un mois. Et ensuite, il a recommencé à prendre des amphétamines. Hein? Paul travaillait 19 heures par jour, assis à son bureau à faire des mathématiques pendant des heures et des heures et des heures. Donc, c'est Paul Erdos. Si ton deuxième orteil est plus long que ton gros orteil, t'as une condition qu'on appelle Morton's Toe. Et certaines statues, dont la Statue de la Liberté, ont des pieds sculptés comme ça, avec le deuxième doigt, ce qu'on appellerait typiquement l'index des pieds, est plus long que le gros orteil. Regardez sur assemblagehockey.com, il y a un petit graphique de croix. Donc, dans le fond, si tu prends une ligne droite et que ton pied est en forme de flèche, c'est-à-dire que ça monte entre le gros et l'index, et ensuite que ça redescend entre l'index et le petit doigt de pied. Ça, c'est c'est la façon Morton's Toe. Et les pieds normaux, si tu regardes une croix verticale, une ligne verticale, le reste des orteils serait complètement en pente. Donc, c'est pas une flèche, mais vraiment comme une pente. C'est un pied normal. Morton's Toe, qu'on appelle aussi Morton's Foot, le pied grec, l'orteil royal, l'orteil de lamé, l'orteil de Shepherd, le syndrome de Morton ou le long orteil. Hein, c'est une condition. Donc, je ne connais absolument pas les pieds. D'ailleurs, je respecte ceux qui étudient en pied, mais c'est la première métatarse qui est en relation à la deuxième métatarse. Je connais pas les termes, je m'excuse. Bien des personnes pensent qu'ils ont un pied bizarre parce qu'ils ont l'impression que leur deuxième orteil est plus long que le grand orteil, le gros orteil. En fait, c'est quand même assez commun. Si tellement commun, hein, que les statues romaines et grecques et la Statue de la Liberté ont les pieds modelés en l'honneur de Morton's Toe. Le nom de Pikachu dans Pokémon est dérivé de la combinaison de deux sons japonais. Pika, qui est le son d'une étincelle électrique, si on veut, et Chu, qui est le son qu'une souris fait. Donc, c'est une souris électrique, finalement, Pikachu. Ça a bien du sens en le regardant, ça se tient très bien. Selon le producteur de la série, Satoshi Tajiri, le nom est dérivé donc, de cette combinaison-là. Pika Pika, qui est l'onomatopée pour une étincelle. C'est pour ça qu'il dit tout le temps Pika Pika. Et Chu Chu, qui est le son d'une souris qui fait du chouchou. Hein? Voilà. Quand même simple. Hein? Certaines bibliothèques, et ici on parle des États-Unis, certaines bibliothèques vous permettent de louer des graines, avec l'intention donc, de remplacer ces graines-là une fois que vous allez avoir fait pousser ce que vous allez faire pousser. Donc vous empruntez, vous mesurez les graines dans la bibliothèque de graines, dans une enveloppe, et vous utilisez les instructions bien sûr qui sont étiquetées dessus. Vous faites pousser, donc vous plantez vos graines dans un jardin, vous lisez les suggestions, encore une fois, et ensuite vous retournez, vous ramenez votre graine de légumes matures à la bibliothèque. Quand même une drôle d'idée. C'est une bibliothèque de graines, une institution qui partage ses graines. Autre détail, on peut échanger aussi les échanges de graines, oui. Les membres de la bibliothèque et le public peuvent s'échanger des graines. Voilà, c'est à peu près ça, je pense. Ça va faire le tour. En 1976, après avoir bu un peu, deux gars en Angleterre ont décidé d'aller par là-bas, puis de faire comme s'il y avait eu un atterrissement de soucoupe volante. Ils se sont dit, on va faire une petite blague, on va faire des marques. Donc, entre 1976 et 1991, Doug Bauer et Dave Chorley étaient responsables de plus de 200, vous connaissez le terme crop circles, les cercles créés, entre guillemets, par des vaisseaux spatiaux. Donc, c'est ce qui a démarré la mode de faire des crop circles avec des feuilles de potes, avec n'importe quel autre symbole. Donc, des crop circles par M. Bauer et M. Chorley. Ensuite de ça, un adolescent... c'est quoi le nom du pays? Le Malawi? Malawi, je pense que c'est le Malawi. M-A-L-A-W-I. Un adolescent du Malawi qui s'est enseigné à lui-même comment construire un... je m'excuse avec les mots en anglais. Je me rappelle pas de celle-là. Ok, on va passer au suivant. Einstein, qui a déjà déclaré que sa deuxième meilleure idée, après la théorie de la relativité, était d'ajouter un œuf pendant qu'il faisait cuire de la soupe pour produire un œuf cuit dur. Un œuf mou, sans avoir à gaspiller un deuxième chaudron pour faire cuire son œuf. C'est une bonne idée, là. Il fait cuire son œuf dans la soupe et on imagine que ça peut ajouter un petit peu de saveur. C'est la deuxième meilleure idée d'Einstein, selon lui-même. Lorsque des caméras de trafic, dans le fond pour les voitures, ont été installées pour la première fois en Californie, un homme a reçu une contravention par la poste avec sa photo comme preuve de sa culpabilité. Ah, j'ai d'avoir le nom de l'autre, ok. Faut que je me retenez le mot moulin, vous me le rappellerez tantôt, ok, le mot moulin, rappelez-moi ça tantôt. Donc, je suis en train de parler de caméra de trafic. il a reçu une contravention par la poste avec sa photo comme preuve de sa culpabilité. Il était fâché d'avoir reçu une contravention à cause d'une caméra. Donc là, il m'a pris une photo de son argent puis l'a envoyé par la poste. Plusieurs semaines plus tard, on lui a renvoyé une autre photo, cette fois-ci avec des menottes sur la photo. tu veux jouer au fin finaux? Nous autres aussi, on peut jouer le même jeu que toi. On revient à un adolescent au Malawi, hein, qui s'est enseigné à lui-même comment construire un moulin avec des déchets, hein, et amener l'électricité dans son village. Ensuite, il a continué, il a construit un deuxième moulin plus gros pour pouvoir faire fonctionner des pompes d'irrigation. Il a fait tout ça à partir de livres qu'il a lus à la bibliothèque. Hein? Tu sais, un moulin. Ça vaut la peine de le dire, ça? Le musée des sons en danger d'extinction existe pour permettre le streaming de sons technologiques qui étaient populaires dans le temps. Par exemple, le son d'un modem dial-up, le son d'un message sur ICQ, le son de démarrage de Windows 95. Et si vous voulez, je viens de voir qu'il y avait un lien vers le site. On devrait pouvoir s'y rendre dans les prochaines minutes. On devrait. Une seconde. Je pense que... Est-ce que je l'ai? Oui. Aha! Génial! On va continuer pendant ce temps-là avec d'autres faits. L'émission Toubib, or not Toubib, en anglais Scrubs, hein, qui a été décrite comme l'émission médicalement la plus précise qui a été diffusée à la télé. Scrubs, sitcom, avec des consultants qui sont au courant de comment ça se passe en médecine. Le créateur de Peter Pan, qui a donné les droits à un hôpital pour enfants, les droits de Peter Pan, bien sûr, pour qu'il puisse toujours ramasser des royalties, donc les redevances, pour faire des fonds de plus à l'hôpital. Donc c'est J.M. Barrie, qui a donné tous les droits de Peter Pan au Great Ormond Street Hospital en 1929. Depuis ce temps-là, l'hôpital a reçu des royalties à chaque fois qu'une production de la pièce était faite. Aussi pour les ventes de livres et d'autres produits étant reliés à Harry... Peter Pan, Harry Pan, bizarre ça. Je sais pas, j'imagine pas. Harry Potter, Peter Pan ensemble. Ensuite, le terme « laughing hair », un héritier rieur, riant. Donc, c'est une personne qui est reliée dans la famille d'une personne qui est morte, qui va hériter de la richesse de cette personne-là en l'absence de d'autres personnes plus proches de la personne qui est décédée. Donc, c'est une personne éloignée, mais qui est tellement... les autres, il y a personne autour, donc c'est toi qui finis par avoir l'argent. C'est tellement distant de la personne morte que tu ne ressens pas vraiment de tristesse par rapport à leur mort, seulement de la joie. Parce que tu apprends que tu vas recevoir un héritage surprise. Ça s'appelle Laughing Hair. Avant que Pixar choisisse Toy Story, d'autres noms suggérés pour la série de films étaient Made in Taiwan, Moving Bodies, des amis qui peuvent bouger, et Toys in the Hood, un hommage à Boys in the Hood. Eh ben. Ensuite, Sid dans Toy Story et l'homme qui s'occupe des déchets dans Toy Story 3. Si vous avez vu, donc Sid, c'est un personnage qui portait un chandail avec une tête de mort dans la rue. Bref, on le revoit dans Toy Story 3, il est rendu plus vieux et c'est maintenant celui qui s'occupe des déchets. Plein de faits sur Toy Story dans cette page-là. Continuons. Pourquoi pas, il y a un vrai restaurant Pizza Planet où on peut manger et jouer des jeux, pareil comme dans Toy Story. Donc Toy Story Pizza Planet, il y a même le logo de Toy Story dessus. Lorsque Toy Story 3 a été fait, les animateurs de Pixar, donc les gens qui animent, là, pas les animateurs comme radio, là, les gens qui animent, qui font des dessins chez Pixar, voulaient animer. En fait, ils ont trouvé la façon d'animer de l'eau et de la fourrure rendue dans Toy Story 3. Ils étaient capables d'animer de façon réaliste de la fourrure. C'était quelque chose à quoi ils réfléchissaient. Mais le vrai défi était d'essayer d'animer les sacs de poubelle dans le film. Parce que les sacs de poubelle ont des propriétés spéciales par rapport à la réflexion de la lumière. Les animateurs ont donc passé des semaines à essayer de corriger les sacs de poubelle parce que c'était important dans le film. Toy Story 2 s'est fait effacer des ordinateurs de Pixar. Ça a été retrouvé par un employé qui avait sauvegardé le film sur son ordinateur à la maison pendant qu'elle était en congé de maternité. On a pu continuer Toy Story 2 grâce à cette dame qui était en congé de maternité. La compagnie qui fabrique Etch-a-Sketch, ça c'est les petits tableaux rouges et les deux petites manivelles, deux boutons pour faire des dessins, vous connaissez peut-être pas. Etch-a-Sketch, qui était proche de la faillite quand ils ont accepté que cet appareil-là soit en vedette dans Toy Story. Même si la scène avec un Etch-a-Sketch ne dure que quelques secondes, ça a quand même augmenté les ventes de 20% et ça a aidé à sauver la compagnie. Selon Rotten Tomatoes, la trilogie Toy Story est la trilogie la plus acclamée de tous les temps. Les trois films ont de bonnes cotes. L'équipe d'animation de Pixar se filmait en train de porter de vieux souliers de tennis collés à une planche de bois pour utiliser ça comme modèle pour les petits bonhommes d'armée. Tu sais, les petits bonhommes en plastique qui sautent d'un bucket of soldiers dans le film. Donc, c'est des personnages qui peuvent bouger complètement normalement, sauf pour leurs pieds qui sont attachés à des planches. Donc, ils ont voulu, faire ça le plus réaliste possible. Ensuite, deux gars ont passé 2 ans à recréer Toy Story complètement, image par image, en utilisant de vrais jouets. Vous pouvez chercher Live Action Toy Story sur YouTube pour le regarder. Tom Hanks et Tim Allen, les acteurs qui jouent originellement Woody et Buzz, ont tous les deux confessé. C'est sûr, confessé. Ils disent qu'ils ont pleuré dans la séquence de flashback de Jessie qui montre qu'elle a été rejetée et abordée par son propriétaire. Donc, ils ont pleuré quand ils ont vu ça. C'est inutile à savoir, mais quand même. Ouais. C'est tout pour les faits de ça. En fait, c'est tout en général parce que les deux autres sont des trucs musicaux. Donc, on avait... est-ce que je l'ai fermé, celle-là? Non, je l'ai ici. OK, parfait. Donc, on parlait tantôt du musée des sons en danger d'extinction. des sons technologiques. C'est un musée, le Museum of Endangered Sounds. C'est savethesounds.info. Le site savethesounds.info. Et je crois, n'ayant pas visité à l'avance, je ne fais que présumer, mais que si on clique dessus... Et voilà, c'est ça. Ah, c'est magique. Ça, c'est le AOL Instant Messenger. Ah, ça c'est ICQ, bien sûr. Ah ouais. Parce que l'avoir en boucle, c'est... Ah! It's not my fault, it's not my fault, it's not my fault, it's not my fault. Ça c'est le son d'avertissement de Mac. Good afternoon. At the tomb, Pacific Daylight Time will be 12:38 and 50 seconds. Ça, je me rappelle de ça, c'est la ligne... ici à Trois-Rivières, il y avait une ligne météo, mais tu peux aussi avoir l'heure... Ah, classique. Le décompte avant les vieux films. Ah, une machine télétype, je pense pas qu'on connaisse ça tant que ça, à notre âge. Quand même. Un vieil appareil photo, Olympus. Ouais, subtil quand même. Space Invaders. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'il joue? Ils doivent avoir fait des remixes là-dessus, là, un petit remix techno de ça. Mm. Je pourrais m'en écouter toute la journée, une caisse enregistreuse, c'est tellement fun. Il y a aussi le son de démarrage d'un Macintosh. On a une table tournante de vinyle, bon ça, je pense qu'on connaît ça encore aujourd'hui. Dans mes écouteurs, c'est très agressant, mais dans la vraie vie, c'est le fun. machine à écrire, une imprimante, Pac-Man, il y en a un paquet d'autres. Donc c'est savethesounds.info, savethesounds.info. Et j'en avais un dernier, il me semble, de musical tantôt. C'était une chanson. Ouais, c'était... Attends un petit peu, on va chercher ça deux secondes sur le site assemblagerequis.com pour que vous puissiez suivre avec moi. Il s'appelle Listen to It, dans c'est un fait. C'est une chanson qui s'est prouvée, apparemment, vous aide à dormir. C'est Marconi Union avec Weightless. Le résultat sur l'auditeur, c'est de ralentir le battement de cœur. Ça réduit la pression sanguine et ça baisse les niveaux de stress, de l'hormone de stress, nommé le cortisol. C'est un band, un groupe de musique Marconi Union. C'est une pièce de 8 minutes tellement efficace pour endormir que les gens en voiture ont été avertis qu'ils ne devraient pas l'écouter en conduisant. ça me donne vraiment envie de l'écouter, ça. Le groupe a travaillé avec des thérapeutes du son, thérapeutes sonores. En fait, c'est pas les thérapeutes qui sont sonores, mais bon. Pour avoir des conseils pour rendre ça le plus efficace possible. Côté basse, rythme, harmonie. Le résultat, donc, c'est, comme je disais, un ralentissement du battement cardiaque. Les scientifiques ont joué la chanson à 40 femmes. Ils ont trouvé que c'était plus efficace pour les aider à relaxer que les chansons par Enya. Enya, en passant, qui joue dans les salons de massage, entre autres. Je me rappelle quand j'avais... C'était-tu Makiru? En tout cas, peu importe là, ce que j'utilisais comme femme de massage, qui faisait jouer du Enya derrière. Ça fonctionne pas pour moi, ça. Mozart et Coldplay, qui sont considérés comme des musiciens très relaxants. Coldplay, hein? Okay. Ah ben, donc on va écouter un extrait, juste un extrait, pas au complet, parce que on va pas vous faire l'accident. Ah ben oui, on va faire... Ouais, c'est ça, je veux une pub de café. Ça, c'est vraiment l'ironie de la chose quand tu cherches une chanson relaxante et que la pub juste avant veut annoncer du café. Je pense qu'il y a un petit peu d'ironie là-dedans, je pense. Un petit peu. À peine. Weightless, de Marconi Union. À Assemblage Requis. Entendre environ 1 minute 20 de Weightless par Marconi Union. On prend une pause au retour, on va voir si la pièce a changé d'ici la fin. C'est bon. Ça et plus de C'est un fait, Assemblage Requis, restez là. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. On a repris où on était rendu. En fait, on a laissé passer la pub et la chanson a continué pendant ce temps-là. Donc, on est vraiment avancé en temps réel dans Waitlist par Marconi Union. Je pense que c'est encore le même genre. Il y a un petit peu de variation. On a changé quelques affaires de place. Je le sens, mais pas tant que ça. On rappelle que c'est la chanson qui est supposée vous aider à dormir. Écrite par le Manchester Marconi Union. En fait, de Manchester. On va continuer avec une dernière partie de C'est un fait dans quelques instants, mais avant ça, pour vous remettre en forme un peu après vous avoir endormi comme ça, on va écouter Pat Ground. Voici N'oublie pas la couleur sur C'est fou. Dépose ce vieux tableau et range-le dans un coin. Recommence à zéro, ça ira mieux demain. Refais le monde plus beau avec tes coups de pinceau. Surtout pas ces défauts, ceux qui nous ont choqués, ceux qui nous ont blessés. Efface tout ça et recommence. N'oublie pas la couleur. Chanter les oiseaux, disparaître les fusils, rire les enfants à la hauteur de ton talent. Détruis toutes les peines, trace la ligne du bonheur et fais la zigzag qui dirige vers ton cœur. Ne retourne pas chercher le noir, il est perdu, je n'en veux plus. N'oublie pas la couleur. Est-ce que c'est I love your pretty shirt? On dirait qu'il dit j'aime ton beau chandail. C'est peut-être I love your creation. J'ai aucune idée de ce qu'il dit. Mais c'est Pat Ground et n'oublie pas la couleur à assemblage requis. Allez, c'est une dernière partie de C'est un fait. Puis j'allais leur chanter, rechanter l'intro, mais ça me tente pas. Fait qu'on y retourne. C'est assez une fois par émission chanter l'intro de C'est un fait, n'est-ce pas? On t'est rendu au 18e siècle. Parce qu'on fait tous les faits de la Terre en ordre chronologique depuis le début, c'est connu, non? Donc, au 18e siècle, l'acteur de théâtre Robert Romeo Coates, il était tellement mauvais, C-O-A-T-E-S, il était tellement mauvais, mais tellement, il avait tellement d'assurance dans son talent d'acteur que les théâtres vendaient tous leurs billets par curiosité. Souvent, il jouait des scènes dramatiques de mort plusieurs fois. Il faisait peur à Juliette. Il est déjà revenu sur scène avec une crowbar pour essayer d'ouvrir la tombe de Capulet. Capulet, qu'on dit, je pense. Bref, c'était un très mauvais acteur, Coates. Mais il était convaincu que c'était le meilleur acteur de tout le domaine du théâtre. Il y a toute une biographie et des anecdotes sur assemblagerequis.com. Lorsque vous flattez un oiseau, on doit faire attention de flatter seulement la tête, parce que pour certains oiseaux, flatter la poitrine, le dos ou la queue, c'est une forme de stimulation sexuelle et ça peut mener à un animal qui est sexuellement frustré. Hein? C'est quand même quelque chose. Pour en savoir plus, exoticpets.about.com qui a un article là-dessus. L'Alexandra Limp, c'était une mode passagère dans le Londres victorien où les jeunes femmes à la mode imitaient le boitage de la princesse Alexandra. On commençait même à porter des souliers qui n'allaient pas ensemble, avec un talon haut et avec un talon pas haut, pour boiter encore plus. C'est une pratique très très ridiculisée, même à l'époque, mais ça s'appelle le Alexandra Limp. On boitait comme la princesse Alexandra. Tantôt dans le précédent bloc, on a parlé de Nichelle Nichols, la fille de Star Trek, la femme de Star Trek, celle qui a, pour laquelle Leonard Nimoy s'est battu pour qu'elle ait le même salaire que les hommes. Bon. Donc Nichelle Nichols était s'est fait convaincre de rester sur Star Trek par Martin Luther King Jr. lui-même, qui lui a dit « Tu ne comprends pas que pour la première fois, on est vu comme on devrait être vu. T'as pas un rôle de personne noire, t'as un rôle dans l'émission. » Ce qui est exactement comme ça qu'on devrait traiter ça. C'est absolument parfait. Donc Martin Luther King, pas pour rien, qu'est sa propre journée. Les popsicles jumeaux qui ont été créés pendant la Grande Dépression pour que deux enfants puissent partager le même pops pour seulement 5 cents à l'époque. Tu sais, les pops avec deux bâtons qu'on casse en deux. Ah, c'est tellement bon ça. C'est mignon. C'est mignon. La Virginie, qui est l'endroit où on peut retrouver une réplique en mousse de Stonehenge qui s'appelle Foamhenge. Pourquoi pas? En mousse. Ben ouais, ça a l'air vrai quand tu le regardes, Foamhenge. Avertissement. Deux bonnes raisons de ne pas dégrader ou ne pas gâcher ma sculpture. Un, ce serait une offense fédérale de ruiner ou de gâcher une propriété privée. C'est possible de passer un an en prison et de payer 10 000 $. Là, c'est une pancarte qui est écrite à la main en passant. Elle est écrite, avec de la peinture sur une pancarte d'apparemment de métal. Deuxième raison pour laquelle vous ne détruirez pas ma sculpture, des fois, je me cache et je regarde. Je vais te laisser graffiner Foamhenge parce que je vais faire le même à ton véhicule stationné. Ne sois pas surpris, je suis assez fou pour le faire. Signé M. Klein. Hein? C'est pas pire, ça, je vais te laisser graffiner Foamhenge, mais je vais en retour graffiner ton char. Tu sais? Dent pour dent, et pour et dent pour dent. Raisa Gorbatchev, la femme du leader soviétique Mikhail Gorbatchev, a déjà dit à Michael Jopling, un ministre britannique, qu'il y avait plus de 300 façons de faire cuire des patates voyons. USSR, c'est quoi en français? En tout cas, bref. Là-bas, chez eux. Il a eu des doutes. Et elle lui a envoyé un livre de cuisine avec une note disant « Mes excuses, j'étais pas super précise dans ce que j'ai dit. » En fait, il y a plus de 500 façons et non pas 300 façons de cuire des pétales. Hein? C'est bien dit, ça. Pour ajouter encore plus. Aux États-Unis, vous avez peut-être déjà vu des émissions, surtout des reprises de vieilles émissions, qui disaient, il y avait un petit message qui revenait. C'était avant la pause, ça disait genre « Nous serons de retour après ces messages. We'll be back after these messages. » Here on ABC, t'sais. Donc, c'était souvent vu dans les émissions pour enfants des années 70, 80 et 90. C'était requis par la Federal Communications Commission, la FCC, pour aider les enfants à faire la différence entre les émissions de télé et les publicités. En fait, au Royaume-Uni, encore aujourd'hui, on le voit des fois, de retour avec la deuxième partie de l'émission après la pause, puis après la pause, on revient. Puis en France aussi, je regardais des vidéos récemment, et t'as sur une chaîne, tu vas avoir le logo qui va passer à l'écran, puis ça va dire « pub ». Là, pour ça, t'as les pubs qui arrivent, puis ça va être marqué genre de retour à l'émission, quelque chose comme ça. C'est une excellente idée, puis je comprends pas comment ça fait qu'on fait pas ça partout dans le monde. Une ambulance s'est stationnée à l'extérieur d'une diffusion du film The Human Centipede 2. Si vous n'avez pas encore vu The Human Centipede, ou si vous n'êtes pas renseigné sur The Human Centipede, je vous épargne les détails, tout en vous disant le strict minimum, c'est des gens qui sont cousus, de la bouche aux fesses de l'autre, et etc., etc. C'est tout pour les détails que vous avez besoin de savoir. The Human Centipede 2, c'est la suite de ça. Donc, en blague, on a mis une ambulance à l'extérieur d'une diffusion de Human Centipede 2. C'est une blague. Mais ensuite, une femme est devenue tellement physiquement malade après avoir vu le film qu'on a vraiment eu besoin d'aide de l'ambulance. Et une chance, elle était là à la sortie du cinéma. En 1973, un psychiatre nommé David Rosenhan a envoyé 8 personnes avec aucune historique de maladie mentale dans un hôpital pour personnes avec problèmes mentaux. L'équipe n'était pas capable de déterminer qu'ils étaient sains d'esprit. Ça a pris 2 mois avant qu'ils puissent sortir. Je sais pas s'il les a payés, ces gens-là, mais je suis pas sûr que j'aimerais ça, moi, 2 mois dans un hôpital pour personnes avec un problème mental. Une femme... Tu vois, là, c'est là que je regrette l'absence de Steph, parce que c'est elle qui me corrige tout le temps sur ce mot précisément-là. C'est ce mot-là que j'ai vraiment de misère, même que j'ai pensé à faire une pancarte en studio pour me dire que kidney veut dire rein. Donc, une femme a donné un rein à son patron qu'il a ensuite sacré dehors parce qu'elle a pris trop de temps à se remettre de son opération. C'est vraiment arrivé, là. C'est selon le New York Post. Une femme a donné un rein à son patron qui l'a viré parce qu'elle a pris trop de temps de se remettre pour se remettre de son opération. Ridicule. Merci beaucoup, c'est comme ça que tu me remercies. Il y a un homme aveugle nommé Daniel Kish qui peut se promener à vélo dans le trafic sans problème. Il est aveugle. Il a trouvé une façon d'utiliser l'écholocalisation en cliquant sa langue et en écoutant les échos. J'avais déjà vu un reportage sur une personne qui faisait ça, c'est quand même assez impressionnant. Il peut différencier, il peut savoir qu'une bâtisse à 1000 pieds de distance peut différencier différents types de voitures, explorer les bois par lui-même et généralement faire plein de choses qu'une personne avec la vue pourrait faire. Donc quelque chose de fantastique. Daniel Kish, vous pouvez le voir en train de faire son écholocalisation sur une petite vidéo YouTube. Mais ça ressemble à pas mal ce que vous pensez que ça ressemble. Le premier animal à avoir posé une question existentielle était un perroquet nommé Alex. Il a demandé de quelle couleur il était. Il a appris qu'il était gris. Simplement. Donc Alex, né en 76, mort le 6 septembre 2007, avait un vocabulaire de plus de 100 mots. Ce qui était exceptionnel, c'est qu'il avait appris. En fait, il avait compris, si on veut. Il pouvait comprendre ce qu'il disait. Ouais, attends un peu. Il avait l'air de comprendre. Il avait l'air de comprendre ce qu'on lui disait. Par exemple, lorsqu'Alex se faisait montrer un objet et qu'on lui posait des questions sur sa forme, sa couleur, son matériau, il pouvait l'étiqueter correctement. Il pouvait comprendre aussi qu'une clé était une clé, peu importe sa grosseur ou sa couleur. Il pouvait aussi comprendre qu'une clé était différente d'une autre clé. Et un jour, donc, il a demandé de quelle couleur il était. Il a appris gris, après s'être fait dire la réponse 6 fois. C'est donc le premier animal, qui n'est pas un humain, à avoir posé une question existentielle. Voilà. C'est cool, hein? Ses derniers mots à Alex étaient « You be good, see you tomorrow, I love you ». Donc, sois sage, on se revoit demain, je t'aime, et il est mort. Triste, très triste. C'était en fait les mêmes mots qu'il disait à tous les jours lorsque son propriétaire quittait le laboratoire. Donc, c'était pas les derniers mots parce qu'il était conscient de sa mort, mais c'était les derniers mots parce qu'il disait ces derniers mots-là à tous les jours. Un garçon de 8 ans nommé Noah Aldrich a complété un mini-triathlon tout en poussant et en tirant son jeune frère Lucas qui ne pouvait pas marcher. Noah a décidé de compétitionner avec son frère pour qu'il puisse participer à des sports ensemble pour la première fois. Donc son frère qui était dans une genre de poussette. Pas une poussette, mais un petit pas un traîneau, mais tu sais ce que tu mets à l'arrière d'un vélo là, qui est comme couvert pour le soleil. Là. Cette affaire-là. Donc voilà. Un mini triathlon à Boise en Idaho. Ah, mon vocabulaire quand j'ai besoin d'aide. Il y a un groupe, un groupe de gens, des Pacific Islanders, donc qui ont réussi à s'adapter, qui ont changé la dilatation de leurs pupilles, la pupille de leurs yeux, en faible luminosité, ce qui leur donne une clarté de vision sous l'eau. Et les enfants développent ça très très jeune dans leur vie, seulement pour ce groupe de gens-là, dans les îles du Pacifique. Et ben, voilà pour C'est un fait. Là, on a vraiment fait beaucoup de C'est un fait pour aujourd'hui, donc on n'en fera pas jusqu'à lundi prochain. On fait C'est un fait les lundis, habituellement, dans Assemblage requis. Maintenant, avant de terminer l'émission, on a parlé d'animaux tantôt, on a parlé d'oiseaux, peut-être un oiseau sauvage qui va danser un peu sur de la formation Cri du chat. Voici Danse sauvage sur C'est fou. C'était Danse sauvage par Cri du chat à Assemblage Rock. C'est long, mais c'est bon, je trouve. Mais nous, malheureusement, sur ce cri du chat, ben, c'est sûrement parce que l'émission est terminée qu'il s'est mis à crier comme ça. Oui, c'est tout pour Assemblage Rock pour aujourd'hui. On est de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Demain, bien sûr, on est mardi. Donc, comme tous les mardis, on va avoir Gabriel Béhoud avec la chronique Dans les coulisses de la Luitre. Ça, c'est à 8h. Et à 9h, on va faire Master Steph, barre oblique, une grosse pointe en dresse en alternance. Trois quarts, un quart, je pense, ces temps-ci pour une grosse pointe en dresse. C'est demain à 6h30. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, l'émission de voyage Escala. À 17h, Rallard Jeunesse. 18h, Palmarès du Monde. 19h, Le Voyage Insolite. Et 20h, Rock de Neuron. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Je remercie Olivier Lessard d'avoir été là pour sa chronique Le Courant passe en début d'émission, de m'avoir donné autant de contenu pour remplir après ça pendant une autre demi-heure. Et on se retrouve demain. On se quitte avec l'Info Campus. Bye! I'm gonna go get some more.